This is the Radio Campus de Trois-Rivières. C'est le palmarès, c'est fou. Bonjour et bienvenue au palmarès, c'est fou, je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Oui, on fait l'édition spéciale combinée de viande froide aujourd'hui, Tania. Oui, tout à fait. Tu sais comment c'est le sous-marin le plus plate, le combiné de viande froide? Tu trouves? Je trouve vraiment que c'est plate rare. Pourquoi? C'est comme le choix par défaut. C'est comme mais un sandwich au jambon. Hein. Ça devient un classique. C'est vrai, c'est un classique, t'as raison. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va entendre plein de nouvelles entrées parce qu'on n'a pas fait d'émission en direct depuis le début du mois de décembre. Donc, on n'a pas eu la chance de parcourir le palmarès de la semaine du 12 décembre. Non, c'est ça. 12 décembre au 8 janvier. Exact. C'est ça. Donc, on va pouvoir faire ça en début de l'émission. Et ensuite, on va revenir à notre palmarès de la semaine courante du 9 au 15 janvier 2017. Donc, on va retourner au mois de décembre avant notre compilation de 2016. C'est là qu'on était rendu la dernière fois. Donc, on va commencer par plein de nouvelles entrées. Donc, plus tard, il y aura Laura Babin, il y aura Quebec Redneck et Bluegrass Project, ainsi que Jesse Brown. Mais on va commencer tout ça avec Rippé et son nouveau téléphone. Ah oui, puis ça crie, ça, cette chanson-là. Ah oui, c'est vrai. Il me semble hein? que c'est Rippé. Il me semble que oui. C'est des palmarès, c'est fou. Au 89 FM. It's all just for show. Everyone yoga. Moi ça j'ai perdu du poids, mais je suis là. J'ai mangé sec au espingard. J'ai perdu ma carte et ma masse salariale. J'étais pas stable à jouer de la gratte. Le quai est ouvert, ça se fatme avec une gang de pas propre. Trop scramant avec une gang de pas propre. Sale, ça dérape. À ce qu'elle est détaille, pas qu'à t'as passé les galères. C'est rough de courir les dépenses avec une soif aussi intense. Faut savoir où mettre ses priorités. Une journée de ski, bien sûr, manger sur le lao, lao, du lao. C'est Samsung, et que tu chak, tu pompes l'opium de Varanasi. Le oui, le pipi, la sauce, il y a compagnie des champignons de Chiang Mai. Le yabaka, le yabaka, les cartons paille, les tailles pocket, les poupiettes. C'est top de rester douette, c'est rough de courir les dépenses avec une soif aussi intense. Faut savoir où mettre ses priorités, nous autres on est skippés sur le marché. C'est beau de voir ça, un bien-être-tour. C'est beau de voir ça, un bien-être-tour. Bien-être-tour, bien-être-tour. Oui, des bien-être. Bien-être, bien-être. Bien-être-tour, bien-être-tour. Oui, des bien-être. Bien-être, bien-être. Bien-être, bien-être, bien-être, bien-être. Vocalise que Sophie Grégoire. Laura Babin. Babin, oui. Laura bye Babin. Bye. Water Buffalo. Position numéro 18, nouvelle entrée de la semaine du 12 décembre au 8 janvier. Et avant ça, si je ne m'abuse, Mathieu, on a entendu Québec Redneck Bluegrass Project. Oh, que oui. Avec Bien-être Tour. Redneck Bluegrass Project, c'est des gars du Québec, vous l'aurez deviné parce que ça le dit dans le, dans le titre du band. Mais ils se sont tous rencontrés en Chine. Hein? Oui, okay. Ils étaient tous en Chine. On parle du chanteur JP Tremblay, Nick Deflame, François Gaudreau et Madeleine Bouchard qui étaient tous là-bas en voyage, qui se sont rencontrés et qui ont décidé tout simplement de créer un band. Et vous l'aurez deviné, c'est assez folk festif. On dit surtout que c'est une gang qui était exilée de leur Québec natal, qui se sont rencontrés en Chine et qui partagent un amour pour les tracteurs, la lutte et le Reader's Digest. Le petit magazine. Exactement, qui ont décidé de former un band de folk bluegrass. Eh bien, avant ça, on a entendu Jesse Brown, la seule nouvelle entrée de cette semaine-là, avec la 20e position, oui, date Jesse Brown. Ça dit que ça vient de Halifax, en Nouvelle-Écosse. On a déjà décrit ça comme étant Aretha Franklin qui chante pour Queens of the Stone Age. Oh, d'accord. C'est un doom soul trio, disent-ils. Donc, jessebrown.bandcamp.com, la pièce s'appelle That We Ain't Got No Money. Donc voilà, c'était les quatre nouvelles entrées pour la semaine du 12 décembre au 8 janvier 2017. On n'était pas là à ce moment-là, à l'automne. J'étais malade cette semaine-là, donc on avait passé une rediffusion. Et après ça, on était rentré dans notre mode palmarès de l'année. Donc, je tenais au moins à survoler un petit peu ces nouvelles entrées-là, qu'on a entendu quand même un petit peu à l'assemblage requis. Maintenant, on revient dans le présent pour la semaine du 9 au 15 janvier 2017. Là, c'est une grosse semaine de nouvelles entrées. J'en ai 5 du côté anglophone. Diana, Tassie O'Mency, The Pack 80, Duo Tang et The Evaporators. Et du côté francophone, on en a 3. On parle entre autres de Jean-Philippe, Marie Davidson et Autruche. Dans 3 heures, un petit peu moins, on va avoir nos numéros 1. Donc, on va savoir si c'est la même chose que dans les précédents palmarès. La semaine passée, c'était... la semaine passée, le précédent. C'était en anglophone de Pretty Reckless. Non, excuse-moi. C'était Dearly Beloved, hein, avec I Tried to Leave. Ça fait des semaines que j'ai pas animé ces palmarès, donc ça descend de 2 places. Et du côté francophone, bien, c'était Claude Pelgag avec les furos fluides fleurs, cette chanson qu'on adore tant. Mm-hmm. Est-ce qu'on va savoir si c'est on va savoir. On va savoir. Je peux te promettre qu'on va savoir. Nouvelle entrée en 20e place, c'est The Evaporators avec I Can't Be Shaved. Mais on va commencer tout ça avec Autruche et Chouchou la Molle. Hey, c'est cool ça. C'est des palmarès, c'est fou. Quand ça va bien, j'ai une autruche. Apparemment que c'est pas correct quand j'entends des voix qui nous disent quoi faire. Je me laisserai pas faire. Je t'entends, je t'écoute pas. Puis moi, ça coûte un bras car ça. J'ai plus que les chances, il commence à se branler. Chou-chou, c'est vous qui parlez. Chou-chou, j'capote pour la crèche. Chou-chou, on est entendre. Chou-chou, ça aide à chanter. Parle pour vous, je suis tanné d'entendre. Apparemment, je suis pas correct de lever les bras trop vite. Parle, t'es mort, parle encore. J't'entends, mais j't'écoute pas. Que moi, ça coûte un bras quand ça prend dans le manche. Mais que les gentils commencent à. Chou-chou, c'est vous qui parlez. Chou-chou, j'capote, j'm'arrête. Chou-chou. nouvelle entrée. Evaporators avec I Can't Be Shaved sur leur album qui porte un drôle de nom, Ogopogopunk. C'est un groupe de Vancouver, The Evaporators. C'est le groupe du journaliste drôle, humoristique, Nardwar, The Human Serviette, qui chante et qui joue de l'orgue, accompagné de David Carswell, John Collins, Scott Livingstone, Sean et Ham. Leurs intérêts, le fromage. Le fromage. Les artistes qu'ils aiment, ben n'importe quoi qui les fait sourire. Oh, c'est bien. Tout juste avant ça, en 20e francophone, on a entendu Autruche avec Chouchou la Molle. Je te dirais que j'ai tapé Autruche sur Facebook, j'ai tapé Autruche sur Google. Il me sort pas grand-chose, à part le SoundCloud du Ben. Donc, si jamais vous voulez entendre quoi que ce soit, c'est sur SoundCloud que ça se passe. Voilà. Il nous reste encore plein d'autres nouvelles entrées. On va faire un autre petit bloc ici de deux pièces. En 19e place, ce sera Duo Tang en anglophone avec Karma Needs to Come Around. Mais on va aller écouter Blanchère de Jean-Philippe. Jean-Philippe Charbonneau, le directeur. Non, non, non, juste Jean-Philippe. Ah, pas de trait d'union en plus. Ouais, j'en parle tantôt. Ouais, c'est ça. C'est les paroles assez fous. Au 89 FM. De voir quand tout programmation, visitez cfou.ca. 89.1. Vous êtes assez fou. To Come Around par Duo Tang, un groupe de Winnipeg au Manitoba. C'est Rod Slaughter et Sean Allen dans le genre mod pop alt rock. Ça existe depuis 1996. Ouh, ça fait longtemps. Ouais, et faites attention, il y a un autre band qui s'appelle le Duo Tang. C'est pas la même chose. Non. Ils sont à Duo Tang Band sur Facebook ou duotangband.com. Avant ça, on a entendu Jean-Philippe avec Blanchard. Jean-Philippe qui est un chanteur rock nord-américain, québécois, vous l'aurez deviné, mais beaucoup d'influences européennes. On joue aussi dans les ambiances des années 80, donc The Cure, Joy Division. Et on y va quand même assez simple pour que la musique demeure actuelle et bien évidemment rock. On se permet aussi de métisser, de mélanger à tout ça des sonorités qui sont parfois folk ou électro. Et les textes en français vont vraiment dépeigner une réalité qui est moderne et spontanée. On parle aussi d'introspective, de sensibilité et de textes engagés. J'aime ça dans les nouveautés qu'on a entendues jusqu'à maintenant depuis le début de l'émission. C'est, je pense, ma préférée, celle de Jean-Philippe. Il nous reste encore plein d'autres nouveautés. Hein. Il y a deux autres blocs qui s'en viennent. Celui-là va comprendre les 10e places en anglophone. C'est de Back 80 avec une autre pièce de leur album Positive Thinking. Elle s'appelle Fair Enough. Et du côté francophone, eh bien, ça sera Mary Davidson avec Adieu au Dance Floor. C'est les paroles assez fous. Au 89 FM. Pumps, pumps, pumps, pumps. Bye bye, Dance Floor. l'infini. Danser, prier, crever. The Back 80 et Fair Enough, nouvelle entrée en 18e place anglophone. C'est un groupe de garage rock de Vancouver en Colombie-Britannique. Du côté francophone, on a entendu Adieu au Dance Floor. Vous avez peut-être reconnu, c'était tout le temps le même beat. C'était de Mary Davidson. Eh bien, ben, on a des petits commentaires comme ça sur les chansons des fois. Eh oui! Il nous reste encore deux nouvelles entrées, donc on va sauter par le sud francophone. On en parlera tout à l'heure. On va aller entendre deux pièces anglophones. Plus tard, il y aura Diana avec What You Get en 16e place. Mais on commence ça avec Taiso Mency avec Do Easy. C'est pas marrant, c'est fou! Au 89 FM. Easy stuff. Je voulais dire easy shit, mais je me suis tenu. Ouais, quand même. Summer days is fake to be long. Reinvent your ways, fade into folk song. Just play me some of that old music, something from the hits you can't go wrong. Smoke it back, go my weed and hash with you. 16. Expecting relief. C'était Diana avec What You Get, position numéro 16, nouvelle entrée. Je crois que t'as trouvé les infos sur Diana, toi? Oui, je pense que toi, t'en as plus que moi. Ouais! Diana, qui est un groupe de synth-pop canadien, c'est Carmen L. à la voix, Joseph Chabasson au clavier et Kieran Adams à la batterie. Leur premier album, Perpetual Surrender, a été listé sur la longue liste des Polaris en 2014. Et leur deuxième album, Familiar Touch, vient de sortir en novembre 2016. Ouh, nice! Avant ça, on a entendu Taseo Mency avec Do Easy. T'allais dire quelque chose d'autre tout à l'heure, ouais, en présentant le band, mais quand même, on parle d'un band qui est expérimental, qui vient de Toronto. Ce sont deux sœurs jumelles qui ont commencé tout ça, Sari et Romy Lightman. Intéressant ça, j'ai bien aimé les deux. Maintenant, avant de dire ce qu'on va sauter, étant donné qu'on a entendu les nouvelles entrées du mois de décembre et les plus récentes nouvelles entrées depuis le début de l'émission, ce qui a presque pris une heure finalement. Donc, c'est le moment de faire Palmarest in Peace. Just mountains of change. Voici les pièces qu'ils ont quittées depuis les précédents palmarès. Let no one ever gain you advice. not very nice. It didn't prepare you for life. Décembre 2016 au 8 janvier 2017. On a commencé par la semaine du 5 au 11 décembre 2016. Mm-hmm. Les Hey Babies avec Pour le mal, pour l'amour, pour le mieux qui sont restés au palmarès pendant 6 semaines. Ensuite, Ripley a dit « Ben, mange-moi! » avec un manque de respect qui a duré 6 semaines. Les passagers, ils sont allés chacun de leur côté avec chacun de nos pas pendant 7 semaines. Cry s'est fait enterrer dans une tombe. Bones qui a duré seulement 3 semaines. Et la période du 12 décembre 2016 au 8 janvier 2017, on a commencé avec Mauve et J'ai tout essayé qui est resté là pendant 6 semaines. Ensuite, Antoine Corriveau nous a posé un lapin avec Rendez-vous qui a duré 7 semaines. Lydia Kepinski qui nous apprend si bien à mentir et qui est restée au palmarès pendant 9 semaines. Ensuite, Duchess 16 a fini par comprendre qu'on a compris ce qu'elle voulait dire avec I Repeat Myself qui a duré 8 semaines. Opeth avec Will O. The Wisp, qui est resté là le plus longtemps, selon ceux qu'on vient de perdre, qui est resté là pendant 10 semaines. Ensuite, Toons finit par graduer de l'école d'hôtellerie, je pense, avec Mind Your Manners, qui a duré 4 semaines. Et Pop, peut pas toujours gagner avec Can't Win. On est resté là pendant 6 semaines. Et The Pack 80 a fait ses valises avec So What qui a duré 6 semaines. Voilà pour Palmer Rest in Peace. On dit au revoir aux pièces qui nous ont quittés depuis les dernières semaines, en fait depuis le début du mois de décembre, parce qu'on n'avait pas fait d'émission depuis ce moment-là. Maintenant, on saute par-dessus plusieurs affaires en cette fin de première heure. Du côté anglophone, je saute des positions 15 à 11 au complet. Donc, en 15e, Tanya Tagak avec Center featuring Shad. En 14e, Preoccupations avec Anxiety. En 13e, Bicycle de Royal Canoe. En 12e, Aloha de Monomyth. Et finalement, la nouvelle entrée de la semaine passée, donc on l'a fait jouer en début d'émission, Jesse Brown avec Debt qui montait de 9 places. Du côté francophone, on en saute extrêmement beaucoup aussi. Ouais. On va sauter de la 17e à la 11e. Donc, on saute par-dessus Bardo avec Au-delà. On saute aussi par-dessus Balmoral avec Vertige, Chocolat, ah ouais! On saute par-dessus Juste Robert qui est en 14e position avec L'Ambacle, Ripé, Nouveau Téléphone qu'on a entendu tout à l'heure dans les entrées du 5 au 11 décembre exactement, donc qui se retrouvait en 13e position. On saute aussi par-dessus Québec Redneck Bluegrass Project et Laura Babin avec Water Buffalo qui se retrouve en 11e position. C'est une nouvelle entrée, mais c'était une des pièces qui nous ont quittés. Oui, c'est ça, t'as bien raison. Bref, voilà, on est arrivé à la fin de la première heure, il nous en reste encore deux. Dans la deuxième, ce sera le top 10, donc on va entendre plein de bonnes choses. Rouge Pompier, The Hidden Cameras, We Are Wolves, Groenland et plein d'autres choses. Et en plus, on a aussi la chronique, je sais pas si on va faire ça d'ici la fin de l'émission, d'après moi, oui, Ailleurs dans les palmarès. Oui. Qui s'en vient, je l'ai promis à David Ferrand. C'est au retour dans les palmarès, c'est fou, restez avec nous. Des palmarès, c'est fou pour la semaine du 9 au 15 janvier 2017. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. La deuxième heure, c'est toujours la portion top 10 de l'émission. Oui. On fait ça chaque semaine pas mal. Alors, on a passé la première heure à jouer des nouvelles entrées. Ça a duré longtemps. Mais on en avait beaucoup. On en avait beaucoup, c'est comme ça. On avait du retard à rattraper. Donc revenons dans les pièces qu'on connaît un petit peu plus. Donc en 10e place anglophone, il y aura The Top Boost avec What If She Loves You qui monte de 7 places. Et du côté francophone, eh bien la semaine dernière, on était en 12e position. Donc on a monté de 2 cette semaine. On s'en va écouter Gazeline avec L'amour véritable est aux rebelles. Dans les palmarès, c'est fou. Au 89.fm. De vitre dans mes yeux, et c'est de la soufflade. s'arrête à l'automne, balayé d'oranger, saignant de rouge et or, chargé d'hélium, à demi envolé, s'accrochant au dernier de tes soupirs. You gain a clean slate for the will and intention. Count it down to the chase. Oh, all the sound aiming right at my face. I'm weak and easily wounded. These are our times for survival. Pushing you. empty shell in which I only dwell. On aime donc cette chanson de Groenland, Times of Survival, qui monte de la 16e à la 9e position anglophone. Et que t'es bien élevée, Tania. Voilà, je voulais tout simplement attendre que ça se termine. Donc, du côté francophone, avant ça, on a entendu Catherine Durand avec Première gelée. On était censé, on en discutait pendant qu'on écoutait la musique, on était censé avoir une tempête de neige aujourd'hui, c'est-à-dire mardi, le 10 janvier 2017, mais il ne se passe rien. Là. Non, ça je suis content de retourner chez nous tantôt à cette température-là. Côté de gelée, ça n'a pas trop gelé ici. Là. Mais c'est la météo, hein? Ouais, ça tu le dis. On a des choses sages à dire comme ça, comme c'est la météo. C'est gentil. Pour ce numéro 8 du côté anglophone, c'est The Hidden Cameras avec The Day I Left Home qui descend de 4 places. Et du côté francophone, eh bien, ça va être Mordicus avec Ella DJ qui reste exactement à la même position que la semaine dernière. Ah ben, c'est comme un DJ de karaoké qui met tout le temps les mêmes hits. Pareil, comme celui... Non! Ben non, ça fait jamais ça, ce genre-là. Mais non, voyons. C'est pas mal, c'est fou! Au 89 FM! Waka waka! I'm zone 89.1. C'est fou! 8. Cabres, The Day I Left Home, position numéro 8, qui descend de 4 places. Et la position numéro 8 du côté francophone, Mordicus et la DJ. Ben, Mordicus. Et... Mordicus. C'est comme ça que ça se passe. On dirait un beau juron, Mordicus. Ça, on dirait genre... maladie aussi. Hein. Aussi. Tu sais, dans une émission pour enfants, genre Macaroni to Garnier dirait Mordicus. Tellement, ou un nom de magicien. Ah oui, c'est beau Mordicus ça. Mordicus le Grand. Hey, c'est magnifique à ça. Vous. Hey, c'est parfait. J'ai rien à dire de plus. Pour ce numéro 7 en anglophone, c'est We Are Wolves qui monte de la 11e, oui, avec I Don't Mind sur leur album Wrong. Et encore une fois, du côté francophone, eh bien, on va rester à la même position que la semaine dernière. On parle de Rouge Pompier avec Mercredi. Ah, oh, la petite Mercredi. Oh, la petite Mercredi. Tu l'aimes bien, là. Des fois, t'as l'air intéressé. Des fois, t'as l'air de t'amuser. Des fois tu me regardes croche, des traces de bouffe d'en face. C'est-tu parce que t'es conne que tu catches pas mes farces? Je sais que t'as juste 3 ans et demi. C'est pas une raison.

Don't Mind. We Are Wolves, position numéro 7, ça monte de la 11e place sur l'album Wrong. Et du côté francophone, eh bien, mercredi, elle a juste 3 ans et demi. Je sais. On le sait. C'est la chanson, je vais dire, que j'aimais tantôt, pas la petite, en tout cas. Hein, on se comprend. On avance quand même pas mal. On a dépassé la moitié de l'émission et on a dépassé pas mal la moitié du palmarès. On y va avec les 6e places. En anglophone, c'est Elephant Stone avec See the Light qui monte de 6 places. Et du côté francophone, eh bien, ça va être Paupières avec Rex. Oh, c'est palmarès, c'est fou. Ça sonne nom de chien, par exemple, Rex. Oui. Comme Mordicus. C'est Mordicus le grand, c'est un magicien. Magicien. Ouais. Magicien. Yeah. que j'y lancerai pas des pierres à cet éléphant-là, Elephant Stone et See the Light qui monte de 6 places en 6e anglophone. Et comme je le disais tout à l'heure, eh bien, on a commencé tout ça avec Paupières et Rex le chien. Rex le chien. Mathieu. Ah, vous pouvez ballot, hein? Terrible, terrible. On a complété notre portion top 10 et il nous reste encore quelques minutes, donc on a le temps pour faire ailleurs dans les palmarès. Ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès. Ailleurs dans les palmarès, c'est la section de l'émission où on regarde ce qui se passe sur le bord de la clôture, parce que les palmarès, c'est fou, c'est pas seulement un top 20 francophone, un top 20 anglophone, non. C'est aussi un top 3 des albums, un top 3 des canadiens, un top 10 loud, et le grand retour en fin du top 5 musique du monde cette semaine. Génial, ah ouais! Hein? Donc, nouvelle entrée en position numéro 20 du top 3 des albums. Ah, j'ai disparu comme la fille. 20? Bref, c'est Drive-By Truckers avec American Band en 18e place des Evaporators, qu'on a entendu tout à l'heure avec Ogopogopunk. Mm-hmm. En 15e place, Tassie O'Mancy avec Do Easy. Et le top 3, eh bien, en 3e position, c'est Centerfold avec Darcy's. En 2e position, Admission avec Dearly Beloved. Et la première position, Who You Sailing For de The Pretty Reckless. Alors, top 3 des disques canadiens. En 3e, c'est The James Clark Institute avec Yesterday's Misadventures. En 2e, Darcy's avec Centerfold. Et en première place, c'est Admission, encore une fois, par Dearly Beloved. Dans le top 10, Loud, 3 nouvelles entrées. En 9e place, Asteroid avec l'album 3. Hein? Mm-hmm. Ensuite, en 7e place, Testament avec Brotherhood of the Snake. Et en 3e place, je te laisse faire parce que ça fait partie du top 3. Ben, aucun problème. Le top 3, eh bien, en 3e position, c'est Insomnium avec Winter's Gate. En 2e position, Aggression avec Fragmented Spirit Devils. Et en 1ère position, c'est Ancient avec Voice of the Void. Mm-hmm. Dans le top 5 musique du monde, c'est des chansons. Et comme le palmarès est nouveau, en tout cas de retour après une longue absence, les 5 sont nouvelles. Hein? Mm-hmm. Donc, en 5e place, c'est Nana, une pièce par Simrit. En 4e, I Trusted You, une chanson de Balkan Beatbox. Et je te laisse faire le top 3. En 3e position, c'est Ansu Mama avec Suso. En 2e position, The Ship Will Sink avec The Cutie Mangoes. Ooh. Et en 1ère position, c'est The Pot Is On Fire de Ibibio Sound Machine. Exactement. Et là, David Ferron, l'animateur de l'émission L'Obtrotter, les mercredis soirs à 19h, qui change de case horaire à partir de cette semaine. Et si je me rappelle bien, c'est les jeudis à 16h en direct. Je vais juste vérifier. Oui, jeudi à 16h en direct. Donc, comme je disais, rediffusion les mercredis à 19h ainsi que les dimanches à 15h. Ils m'ont envoyé 2 pièces. On les a écoutées ensemble pour trouver celle qu'on préférait entre les deux. Et on a choisi Balkan Beatbox, le numéro 4. Oui. Avec la pièce I Trusted You, tout de suite ailleurs dans les palmarès. C'est le magicien de tantôt, ça. Oui! Mordicus! I left without saying goodbye. This time you didn't even try. And I'm not perfect, I won't deny. But you got high on your own ego. My love is killing my libido. Now can you tell me where do we go? I'm your man, I'm no amigo. So where do we go from here? That's how it is and it's not clear. And there's no physical attraction. There's no way to get a function. Who got shot? Who got hit? And who the fuck needs that shit? I trusted you. Now you're full of attitude. We used to be addicted to

next to mine. I blush so bright that I glow, glow. You made me swallow up a butterfly, and all I want is to catch a can, catch a can. There's a bed sheet fell away, clipped on with a clothespin. I'll make you shudder like a camera when you see me lift a mountain like a smacking up. Royal Canoe, un de mes groupes préférés comme en ce moment, j'aime beaucoup. Mm-hmm. Avec Bicycle qui descend de la 7e à la 13e place anglophone. Du côté francophone, non, du côté anglophone, c'est Tania Tegag avec Center qui, elle, est restée à la même position, 15e. Tu sais, des fois, ça tente de chiller là. Hein? C'est comme ça. C'est comme vous, vous devriez chiller là pour une 3e heure des Palmarès, c'est fou. Exactement. Avec le top 5, d'ici la fin, on va savoir qui est notre numéro 1, on en parle tout à l'heure. Les Palmarès, c'est fou, continue dans 2 minutes. Dans la zone 89. Troisième heure, la portion top 5 des Palmarès C'est fou pour la semaine du 9 au 15 janvier 2017. Elle est Tania Bonin. Et Mathieu Plante. Top 5, ça veut dire qu'on est dans le meilleur. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, j'échappe tout. Elle échappe à rien, voyons. Mais non. Auxiliar Mobile. Auxiliar Mobile. C'est le Palmarès C'est fou. fallait être là pendant la pub. Hein? Donc, pour ce numéro 5 et 4 qu'on va entendre ensemble plus tard, il y aura Marie-Ève Roy, Darcy's et le James Clark Institute, mais on commence en 5e francophone. Là. Ok, oui, on va aller commencer ça avec ton groupe favori, Mathieu, Villevettes, avec La Mort. Je vais prononcer Villevettes. La Mort, c'est tout au Palmarès, c'est fou. Au 89.fm. Yeah.

Oh, Marcy's et San Diego 1988. Ça monte de deux places. C'est maintenant la quatrième position anglophone. Et du côté francophone, eh bien, ça a resté à la même position depuis le dernier palmarès. C'était Larme de joie de Marie-Ève Roy. Oui, je vais pleurer les larmes de joie. Beaucoup plus lente et beaucoup plus triste, nostalgique. Que dans la vraie vie. Que les autres pièces qu'on a entendues jusqu'à présent. Aussi, mais c'est vrai, on l'a eu en entrevue récemment, puis c'était belle fun. Oui. Fine. Troisième place maintenant en anglophone, c'est Dearly Beloved. Et ça, ben, je vous apprends maintenant que c'est lancé numéro 1. Ooh. Oui, pendant la semaine où on n'était pas en onde en décembre, donc ça a changé depuis. Donc, Dearly Beloved et I Tried to Leave est maintenant en troisième place. Et troisième place francophone, les Dales Our Chuck avec Désastre. Attention, ça bouge. Oh, c'est vrai. Les palmarès, c'est fou! Au 89 FM! Lancé numéro 1 du côté anglophone, Dearly Beloved et I Tried to Leave, maintenant en troisième place anglophone. Et du côté francophone, eh bien, comme je le disais tout à l'heure, c'était les Delaware Chuck avec Disaster. On avance, il nous reste encore seulement les positions numéro 2 et 1, et encore plus d'une demi-heure à l'émission, donc on va avoir le temps de revenir en arrière, oui. Et on aime ça le faire une fois de temps en temps. Donc en deuxième place, allons-y en anglophone avec Toffees, qui monte d'une place avec Down in Style. Et du côté francophone, on va aller écouter Rencontre Surprise de On a créé un monstre. Ah. Elle aussi, elle était déjà en deuxième position la dernière fois. J'avais hâte de l'entendre, c'est les palmarès, c'est fou. Au 89 FM. Little boy in this me going down in style. She got me going down in style. She got me now. She got me now. She got me going down and I don't think I can take this all night. She's pulling me down to the floor with a little style. Stand up, it's no time to buy. You wanna show these boys your man. Now you gotta hit them between the eyes, cause in this game there's no place for second prizes. Oh baby, I know you got the will, but you got the heart to make the kill. In this world there's no selling out, it's just giving the people what they want. Yeah, I need you to tell me this is the Down in Style par Toffees. C'est la position numéro 2 du côté anglophone. Et du côté francophone, on a entendu « On a créé un monstre » avec « Rencontre surprise ». Hey, bouha! Ok, oui. Il nous reste seulement le numéro 1. Encore une petite 25 minutes à l'émission. Encore mm-hmm. le temps de retourner en arrière, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais donc, avant ça, c'est le moment de faire des jeux de mots poche. Oh mon Dieu, c'est vrai. Ça fait genre un mois que je n'ai pas fait de jeux de mots poche. Et plus encore, je me tanne. C'est comme un jardin, il faut entretenir ça, là. Faut entretenir ça, faut mm-hmm. Mettre de l'engrais, faut faire des oui. jumeaux de marde. Uh-huh. Je veux dire, j'ai pas fait. On fait exprès, là. Qu'est-ce que tu veux? C'est de même, je suis un vrai jardinier de la blague. Ok, oui. Je suis là, puis je pèle des gags. Je pèle gags. Non. Comme on dit, hein? Ces gags-là viennent, faut qu'ils viennent de profond, là, dans le thorax. Mm-hmm. Pour être craché comme ça, pour être compris par Tania, attrapé telle une balle de baseball. Exactement. Telle, les anges qui tombent par terre. OK. Hein? Moi, je m'envole vers les cieux mm-hmm. pour aller rejoindre mes pères. Oui, tout à fait. Mes pères. Je sais pas, qu'est-ce que je pourrais bien dire de plus que ça? Rejoindre Dieu? Ou rejoindre Dieu, oui, comme un accident de char. Tu peux pas t'empêcher de le regarder, c'est ça, mes gags, c'est des fois, c'est que tu peux pas t'empêcher de les écouter en te disant, mais qu'est-ce qui va sortir de là? Ouais. Ça a l'air d'un accident, comme dans Reckless, quelque chose de dangereux. Tout à fait. Ouais, c'était douteux un peu. Mais bon, en même temps, c'est pas comme si c'était payant, ces gags-là. Mais c'est non. gratuit. À qui est-ce que je vendrais ça de toute façon, hein? Je sais bien pas. Qui achèterait ça? pas grand-chose. Ça a été long, mais j'en ai fait un pour pas mal tout. Oui, c'est pas pire. Je dois t'avouer que t'as bien fait ça parce que c'était vraiment difficile de pouvoir faire des gags avec ça. Ça paraissait-tu que c'est difficile pour moi? Quand même. Donc, du côté anglophone, c'était Oh My God de The Pretty Reckless, d'où l'accident qui va te faire monter aux cieux pour aller rejoindre tes pères ou encore Dieu. Et à qui est-ce que tu vendrais ça, cette histoire-là? Parce que l'album, bien, c'est Who You Selling For? Donc, automatiquement, il n'y a pas grand monde qui l'achèterait, ça, c'est sûr et certain. Donc, c'est le top 1 du top 20 anglophone. La dernière fois, au dernier palmarès, c'était en deuxième position. Et du côté francophone, eh bien là, tu t'es montré jardinier. Jardinier parce que le titre de la chanson qu'on va écouter tout à l'heure, c'est « Les ferrofluides fleurs ». Donc, tu vas aller pelleter. Dans un jardin, Pelgag, parce que Claude Pelgag, tu sais, oui, c'est comme elle ça. Elle a le mot tag dans son nom. Exactement, c'est l'artiste avec l'album Étoile thoracique. Il faut que ça vienne du dedans, il faut que ça vienne du thorax. Voilà. C'est pour ça que tu as dit toutes ces belles choses-là. Je m'en suis sorti quand même, faut l'admettre. Oui, t'as bien fait ça. Merci, on écoute tout de suite Couple Gag, les ferrofluides fleurs dans les palmarès, c'est fou. Ouf, jusqu'à 17h. Jusqu'à tantôt. Non, jusqu'à tantôt, là. De pas qu'à vous écouter. Dans 20 minutes, là. On s'en va bientôt. Exact. Les ferrofluides fleurs, au sous-milieu des champs magnétiques. position numéro 1 des palmarès C'est fou pour la semaine du 9 au 15 janvier 2017. On vient d'entendre The Pretty Reckless avec Oh My God qui monte de une. Et du côté francophone, c'était les Ferrofluides Fleurs de Claude Pelgag. Il reste encore une quinzaine de minutes à l'émission. On a le temps de revenir en arrière. Plus tard, on entendra la position numéro 12 anglophone, Monomyth avec Aloha, mais on débute en 14e anglophone. Oui, 14e anglophone, on va aller écouter Preoccupations avec Anxiety. On l'écoute pas souvent. Ouais, c'est ça qu'on écoute juste pas souvent. Je sais pas pourquoi, on y pense juste pas. Mais non, puis elle vient en plus, là, elle a comme genre quoi, 7 semaines. Ouais. Exactement, donc avant qu'elle parte, on va au moins l'écouter. Question de se rappeler de quoi elle avait l'air. Exactement. Preoccupations, Anxiety, tout de suite au palmarès, c'est fou. Au 89 FM. Oh, ouais, quand on a sauté tantôt dans l'émission. Avant ça, on a entendu Monomyth avec Aloha qui monte une place en 12e anglophone et on a débuté avec Preoccupations et Anxiety en 14e anglophone. Exactement. Voilà, c'est tout. Je t'ai volé ta phrase parce que tu savais pas. Ouais, c'est correct. Je me souvenais plus. C'est pas grave du tout. Merci, Tania. Merci à toi, Mathieu. Ça a passé vite aujourd'hui. Oui, vraiment. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas animé les palmarès. C'est fou ensemble. C'est vrai. Tout à fait. Alors, on va être de retour la semaine prochaine, toujours en direct les mardis entre 14h et 17h. On repasse avant de vous dire quand on repasse. Hein, après nous, à 19h, ce sera réanimation, puis matière noire à 21h. On repasse le vendredi à 17h. Après nous, encore réanimation et matière noire. Oui, oui, c'est un moment de déjà-vu. Cette soirée-là. Et finalement, les vents. on joue aussi les samedis entre midi et 15h. Après nous, à 16h. À partir de la semaine prochaine, ce sera la sortie de secours est à votre gauche. Safe.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les balado-diffusions, les notes de l'émission. Encore une fois, merci, Tania. Merci encore à toi aussi, Mathieu. Est-ce que tu as envie d'animer tous les matins de semaine, du lundi au jeudi, de 6h30 à 9h30, l'émission Assemblage Requis? Pourquoi pas? Génial. Et aussi, mon émission à moi, 15h le mercredi, le Mathieu Plante. Ah, d'accord. C'est tout. Tu seras pas malade cette semaine. J'espère que non. Merci de tenter la chance comme ça. On se quitte avec Balmoral et Vertige. À la semaine prochaine. Bye tout le monde. Nous partirons un jour, gravirons l'adversaire.